minutes gobées, toutes les conneries de Jean-Pierre Pernaut. J'ai quelques trucs à contester. Désolé si je perds mon flow, un petit accent de banlieue qui va faire fuir la clientèle. Ceux qui veulent bien des rebeux, tant que c'est Zizou ou Faudel. J'ai au bout de mes lèvres les insultes les plus infâmes pour ceux qui pensent que la Palestine n'est pas un drame. Encore la Palestine, tu vas dire ça c'est tout le rap, faire démagogique et dire qu'on aime pas trop les flics, avoir un penchant politique bien à gauche évidemment, même si tout le monde manque de respect et le traite de tête de flanc. J'ai voté François Hollande sans aucune conviction, c'était juste pour pas me taper une pute en Louis Vuitton. Boycotter toutes ces marques de luxe, diamants et parfums, l'odeur des H&M et du métro me va très bien. Morne rouge et percou me préfère un peu fâché, mais là je suis cool, j'avais juste plus de face à marcher. Je fais très bien semblant, je vous conseille de vous méfier. Sors-moi du vieux rhum et ta bouteille je vais la siffler. Un trentenaire qui s'ennuie, qui voudrait se faire agresser parce qu'elle est déjà loin l'époque où j'aimais me bagarrer. Un pauvre type de plus qui endort tout son mal-être, qui se voit bien partir au taf en costard et mallette. Tiens, mon prochain EP va s'appeler Fight Club, c'est carrément mon délire. Dessus y'a pas de tube et pas de pub, on fait avec jour et nuit, je me torture la caboche. Si je pars pas en couille, c'est grâce à l'aide de mes proches. Les banquiers et les traders se foutent de notre gueule, ils mériteraient d'aller en taule. Je crois qu'une fois en terre on se fait bouffer, basta. Pourtant j'ai visité Lourdes et Fatima, t'inventes un monde meilleur quand tes gosses te demandent. Tu n'as pas peur qu'ils se pendent? Ah non, pour le suicide y'a pas de messe, cette chanson est horrible, je vous laisse. Je me dis que je suis pas si mal, pas besoin d'une révolution, je vais rester individualiste et trouver mes solutions. Car on veut la même chose, la matière dans le sud, rien branler ou faire un métier pas trop rude. Insulter les footballeurs autant que vous voulez, mais c'est bien votre diesel qui paye les reprises de voler. Coca et Nike ou Mickey ont tout niqué, et moi j'attends comme un con que tu viennes cliquer. Pas de commentaires philosophiques, on s'en branle. Poteau c'est juste de la musique, Fitzy Pizzy c'est difficile à dire. Ta ta ta ta ta, big up, peace, etc. Je respecte pas grand chose, je fais ma zig et puis c'est tout. Pizzy pizzy, c'est difficile à dire.